Avis de recherche. Avis de recherche. azonga ki Paris kata mbuka solo ya bolingo ngwe zala ki andambo ekuma na Paris sangwe panzani balobi bolingo ya mabala eye boye boye petite akati chaîne Paris alelo, titre comme un coutou, passe, wakou, de la vareta, sala au zonga po. So qui va à Paris, bah ouais, ici pour aller. Nana si na zonga na nga se fa. Longindo, yoka bisilu, ya mikolo yo. Moi mi ke mi ke kwa, et ko zanga te kwa. Laisse à ta petite chérie à Nicoloye. Mon tolibo songa été. Mon tolibo songa été. Jimmy Kourou. A Fongola Nganda. A Pesa Congo, Chicago. A Koma Kolesa. A Nileki. A ma maman. Toyaka Kokuta. Baye mususu, bakene nzela liwa, loko la vie au bois, ya malos, natangwa 3e arrondissement, mon côté. Bona ngai moko, mote metunda susi monene, mama oya bota ngai, mama yungi. Kende nzela liwa, natikala na nga mwale kike. Lelo na zanga tata na mama, mawatro. Ezali lisano. Petit Gilmar.